Fais ça. Pour mieux comprendre la culture geek, écoute Les Geeks ont raison. Les mercredis de 10h30 à midi. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir tout le monde, en ce lundi 31 mars, je m'appelle Jean-François Lusignan, bienvenue à l'émission Le Terminus, en direct des studios de CISM. Et ben oui, on a eu une grosse annonce hein, jeudi dernier au sujet du changement peut-être d'orientation dans le son de CISM, en tout cas on n'a pas beaucoup de détails jusqu'à maintenant. Tout ça pour dire que, bon, vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations, ben Le Terminus, ben on continue ce soir une émission comme d'habitude. On verra pour lundi prochain. C'est à suivre, en tout cas demain. Puis, de toute façon, ben, il faut bien payer le loyer, hein, donc on continue. Ce soir, dans l'émission, j'ai prévu, vous allez voir quand même beaucoup de shoegaze. Il y aura également des classiques de Clear Lake, Balter Space, Enon, Pavement, Oscar Doux. Ouais, des vieilles affaires, des classiques. La liste des chansons sera disponible à la fin sur le CISM893.ca. On va commencer avec trois nouveautés, comme on a l'habitude. Il va y avoir dans les prochaines minutes le nouveau Jésus les filles qui sort dans un mois. On a une chanson qui est sortie cette semaine. Mais pour commencer, on y va avec The Great Artist, un groupe shoegaze de Nancy en France. Il sortait hier un mini-album intitulé Big Sounds from the Big City, volume 1, duquel voici Shoegaze or Die, The Great Artist. We'll be right back. Honey Doo de Beverly, un nouveau duo formé par Frankie, formé de Frankie Rose, ancienne Vivian Girls, et Drew Citron, que je connais pas vraiment. Ils ont un premier album qui va sortir cet été, le 1er juillet, sur l'excellent label Canon Records. Il y a donc un premier extrait qui est sorti. Il y a également ce qu'on peut dire un teaser, pour nous titiller. Une vidéo de 30 secondes qui vient de sortir également sur Internet. Et ça annonce quelque chose qui est pas mal dans la lignée de Vivian Girls, d'une espèce de pop garage fuzzy en même temps. Ça s'annonce très, très bon. Juste avant Beverly, c'était Jésus les filles avec le premier extrait de leur album qui s'en vient le 29 avril. Extrait qui s'appelle Plus ou moins fort. Et l'album, lui, c'est Le grain d'or, oui, c'est ça. Ça sort le 29 avril et spectacle lancement le 2 mai au Divan Orange. Et Jésus les filles, on dirait que le chanteur du groupe est pas mal occupé ces temps-ci parce que Martin Blackburn avait aussi, proposé dans les dernières semaines la musique de son autre groupe, Silver Dapple. Eux, ils sortaient un mini-album là, il y a quelques semaines de ça. Donc, assez occupé le printemps pour Monsieur Blackburn de Jésus les filles. On va continuer avec deux classiques. On va entendre dans les prochaines minutes du vieux Oscar Doux qui remonte à 1986. Mais on commence avec du Pavement de l'album Wooey Zooey paru en 1995. La chanson Grounded sur les ondes du 89.3 CISM, l'émission Le Terminus. Incomplete. Please, please, boys are dying. I don't want. un groupe du Texas qui chante en français. Si vous en cherchiez un, ben ça existe. C'est Crooked Bangs. Crooked Bangs. Ils nous chantaient la chanson « Ce truc ». Et ça figure sur un mini-album qu'il partage avec le groupe Secret Prostitutes qui sortait il y a 2 semaines. Et pour la petite histoire, ben la guitariste du groupe Samantha Vandel, qui s'occupe en fait des paroles, qui écrit les chansons de Crooked Bangs, a proposé comme ça à un moment donné à la chanteuse Lyda Genestra de chanter en français. Et la raison est assez intéressante, c'est parce qu'ils se sont dit « ben on va chanter des paroles que les gens de notre ville ne comprennent pas, comme ça, ça va être moins compliqué ». D'écrire des choses qui font du sens. Donc, c'est quand même une bonne raison. Mais ça fait des bonnes chansons en français. Pour Crooked Bangs, ils ont pas juste cette chanson-là disponible. Vous pouvez aller voir sur les internets. Je pense qu'il y a un album ou mini-album qui sortait l'année dernière ou il y a 2 ans. Très intéressant. Allez écouter ça. Avant Crooked Bangs, c'était Oscar Doux avec Don't Want to Know If You're Lonely, un classique sorti en 86 et qui aurait inspiré quand même beaucoup de groupes qu'on entend encore aujourd'hui. Et on avait débuté le segment musical avec Pavement et Grounded qui paraissait en 1995. On continue maintenant avec une formation de Jakarta en Indonésie. Ils font de la dream pop, ils s'appellent Seaside, ils sortaient en décembre passé un premier album sur un label de la place, un label indie rock shoegaze indonésien. Il s'appelle Anoa Records. Voici un extrait de cet album-là de Seaside, une chanson qui s'appelle Giggle and Blush. À l'émission Le Terminus sur CISM. When you walk through the door, I will show you around. jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous au micro. On vient de s'écouter trois chansons Dream Pop Shoegaze. Il y avait dans ce qui vient de jouer, c'était Area Fall avec Off the Beam of My Dreams. C'est un groupe, ça, Area Fall, un groupe russe qui sort un nouvel album mercredi prochain, mercredi le 2 avril. Donc, c'est ça. Et sinon, c'était précédé d'Elastic Sleep. C'est une autre nouveauté. Ils sortent un nouvel album le 28 avril sur Big T Records. Et ce groupe-là, eux, sont du Royaume-Uni. Voilà, c'est dit. On continue avec encore de la nouveauté, du nouveau matériel maintenant en provenance d'Halifax. C'est le groupe Map Eyes qui sortait la semaine dernière, eux, un nouvel album qui s'appelle Wine of the Mystic. On écoute une de ces chansons-là qui s'appelle Dark Credence. Oui, on écoute ça à l'instant sur les ondes de CISM. Find the life that vais-je bien devenir si tu me quittes sans émotion? Toi dans ta transfigure, je t'aime tellement. Je pleure comme un gros bébé, j'ai peur, je veux revenir. Maman, est-ce que tout va mal ou est-ce que ça va mieux? De toute façon, je ne te blâme pas, j'ai toujours cherché à te fuir. Si on avait vraiment cherché, on aurait trouvé comment s'épanouir. Je pleure comme un gros bébé, j'ai peur, je veux revenir. Maman, est-ce que tout va mal ou est-ce que ça va mal? Exactement toi. Il y a du brouillard. Cherche certains endroits. Ou bien c'est qu'il y a les autres. Je pleure comme un gros bébé, j'ai peur, je veux revenir. Maman, est-ce que tout va mal ou mon amour se tire? Ah, oh, vas-y, vas-y, vas-y, tire-toi. J'ai rien à foutre avec tes petits films là, des chiens à la con, des converses de merde, mais pars-toi. Tu me fais de la gueule, je m'en fous. Enon avec Spanish Boots, tiré de leur album Hocus Pocus qui sortait en 2003. Juste avant, c'était Polo Transpire, un groupe de Caen en France, et c'était leur chanson Jackie. Et c'est drôle, tout à l'heure, je regardais leur page Facebook, ils parlaient d'un spectacle qu'ils devaient donner au début du mois de mars, dans une ville de la région parisienne, Suzy-en-Brie, dans une salle communautaire. Et là, ben, la mairie a décidé à la dernière minute d'annuler le spectacle. après avoir vu sur YouTube le clip de la chanson Jackie, qui met entre autres en scène des Barbies puis des dauphins qui font des affaires pas trop conseillées pour les jeunes enfants. Alors, le spectacle était cancellé et les gens de Polo Transpire étaient un petit peu frustrés de ça. Bon, mais si vous allez voir le clip, c'est disponible sur la page Facebook de Polo Transpire. On va continuer avec maintenant un combo. Il va y avoir du Balter Space, un groupe néo-zélandais qui existait à la fin des années 87. C'est séparé en 2004 et est revenu en 2012 pour nous sortir l'année dernière l'album Trinin. On va entendre la chanson Open, donc, de Balter Space. Mais on commence à l'instant avec Clear Lake, la chanson Almost the Same sur le 89.3 CISM. Restez à l'écoute dans quelques instants. C'est Roman Blouin qui s'en vient avec Nous sommes les rockeurs. La liste des chansons sera disponible à la fin sur le CISM. Ben, pas à la fin, dans quelques instants sur le CISM893.ca. Également archive sur leterminus.ca. On se quitte avec Belt of Space, Open.